إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2 dans la lecture du livre تأكيد المسلمات السلفية. Donc on continue, on est arrivé à la citation du Cheikh Ahmed al-Najmi, hafizahullah, et il répond ou il explique yani que Al-Asha'ira ne font pas partie des gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et il explique certaines raisons pour ça. Et ça c'est seulement une introduction, disons, au livre. Donc c'est juste quelques points qu'il mentionne comme exemple. Sinon, c'est pas encore, on n'a pas encore commencé à lire le livre lui-même. C'est juste une introduction pour, disons, que le chef est en train de montrer qu'il a lu le livre et puis qu'il a été d'accord avec ce qui est dedans. Puis, il met quelques points pour supporter ce qui a été expliqué dans le livre. Donc, on était rendu après la citation de l'imam Ibn Taymiyyah. Le chef, il dit: كيف يكون من أهل السنة والجماعة من يحكم العقل في قضايا الإيمانية الثابتة بالكتاب والسنة فما قبله منها قبل وما رده منها رد ولذلك فإنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات إلا سبع صفات وما عداها فإنه يكون مصيرها التأويل الذي يؤدي إلى التعطيل. Le premier exemple que le Cheikh il mentionne, il dit comment ces gens-là pourraient être parmi les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, comment on pourrait calculer ces gens-là parmi les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a alors qu'ils utilisent leur raison pour juger dans les questions de la foi, les questions qui ont rapport avec la foi et qui sont établies par le Coran et la Sunna. Ce que leur raison accepte, ils l'acceptent, et ce que leur raison rejette, ils rejettent. C'est-à-dire, ils utilisent leur intelligence et leur raison pour essayer de juger dans les questions de la foi. Et ils se basent là-dessus. S'ils trouvent qu'il y a une question qui a été établie dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, ils ne l'acceptent pas uniquement ou simplement par le fait qu'elle est établie par le Coran et la Sunna. Ils l'acceptent uniquement parce qu'elle est supportée par les preuves rationnelles qu'ils ont établies, ou leurs principes rationnels qu'ils ont établis, pas uniquement parce qu'ils sont établis par les textes de la révélation. Donc ça c'est un premier exemple. Et il dit, et ceux qui trouvent que c'est pas en accord avec les principes rationnels qu'ils ont établis, eh ben ils font le ta'wil, c'est-à-dire ils déforment le sens de ces attributs-là. Donc il n'affirme que sept attributs. La raison pourquoi il les affirme, c'est parce qu'ils disent que ces attributs-là, on est capable de les prouver par la raison, par la logique, par leur logique à eux. Toutefois, les autres attributs, eh ben, étant donné que soi-disant selon eux, ils ne sont pas capables de les prouver logiquement, alors ils les rejettent, mais en faisant une déformation de leur signification. Hein. Et qu'est-ce que tu trouves dans les livres des Asha'ira lorsque tu lis leurs livres de Aqida? Ils ont une règle, et ça on en a parlé déjà dans d'autres livres. Ils disent: وَكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ فأوله أو فوض ورم تنزيها. C'est ça leur principe. Donc tout texte que tu trouves qui donne l'impression qu'il y a une ressemblance entre Allah et sa création, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Selon les Asha'ira, tu dois faire le ta'wil, ou bien tu dois faire le tafwid, ou bien les deux en même temps. Warum tanziha. Et tu fais ça dans l'intention de dire que tu veux purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute faiblesse ou imperfection. Et d'après ce que tu regardes, quand tu regardes dans leurs livres, comme par exemple, je lisais ça justement aujourd'hui, ce matin, dans le livre, c'est Jawharat al-Tawhid, Tuhfat al-Murid, Sharf Jawharat al-Tawhid, l'explication de Jawharat al-Tawhid. Ça, c'est un livre écrit par l'imam al-Bayjouri, un des Asha'ira, et il a été, c'est une manzouma, c'est comme une sorte de poésie qui résume la aqida des Asha'ira. Et cette poésie-là, elle a été expliquée par plusieurs de leurs shuyukh, et un d'entre eux qui s'appelle Al-Laqani, et il a fait le sharh de ce livre. Et dans le sharh de ce livre que je lisais aujourd'hui, tu vois que par exemple, ils expliquaient ce bait, hein, parmi les abiyat de cette qasida, et ils disaient par exemple que Al-Ta'wil, ils disent que ça, c'est la voix des khalaf. Hein, et ils disent que les khalaf, c'est qui? C'est ceux qui sont venus après environ 500 ans, c'est-à-dire ceux qui ont vécu après 500 ans après l'avenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien après le hijra, ou bien ceux qui sont venus après les trois premiers siècles, les meilleurs siècles. Et ils disent que la voix du tafwid, al-mufawwida, ils disent que ça c'est la voix des salaf. Ils croient que le tafwid c'est la voix des salaf. Et donc ça c'est de là que vient une de leurs erreurs. Et ils disent que la voix des salaf est aslam, et que la voix des khalaf est a'lam wa ahkam. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on va l'expliquer de toute façon plus tard, mais c'est juste pour dire que ces gens-là, ils ont fait une erreur premièrement de croire que la voix des salaf c'est at-tafwid. Parce que c'est pas vrai que la voix des salaf c'est at-tafwid. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par tafwid? C'est-à-dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent dire par là qu'on ne peut pas connaître leur signification. Donc ils font le tafwid de la signification. Et on sait que ça c'est haram. Le tafwid qu'on a, le seul tafwid que les salaf ont fait, c'est pas le tafwid des significations des noms d'Allah, mais c'est le tafwid du kayf, tafwid ou le kayfiyya. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne connaît pas comment Allah subhanahu wa ta'ala est et comment sont ses attributs. Ça, c'est obligatoire de faire cette forme de tafwid, tafwid al-kayf. Mais quand on parle de tafwid al-ma'na, les ulama ont dit ça c'est haram. Et eux, ces gens-là, parmi les asha'ara, ne font pas cette distinction-là entre tafwid al-kayfiyya et tafwid al-ma'na. Pour eux, le tafwid qui est affirmé au salaf pour eux, c'est tafwid al-ma'na, le tafwid de la signification. Donc ils disent, les versets qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les connaissait pas, il ne connaissait pas leur signification. D'accord? Donc c'est comme ça qu'ils comprennent. Et ça, bien entendu, comme Ibn Taymiyyah a expliqué, ça c'est la voie de tajhil. Hein, ils affirment ou ils attribuent au salaf l'ignorance de la signification des attributs. Et quand on lit les paroles des salaf, on voit que ça, c'est pas du tout la position des salaf salih. Parce qu'il n'y a pas un verset dans le Coran, excepté que les salaf l'ont interprété et l'ont expliqué. Et non seulement ça, mais l'imam Malik, rahimahullah, il disait, al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'a. Donc, l'imam Malik, il disait, al-kayf, al-istiwa ma'loum. C'est-à-dire l'attribut de Al-Istiwa, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, il est connu, c'est connu dans la langue arabe, la signification de cet attribut-là, et de ce verbe. Hein, c'est pas quelque chose d'inconnu pour les Arabes. Donc, on nie pas la signification de cet attribut-là, de ces attributs, mais on nie Al-Kayf. C'est pour ça que l'imam Malik a dit, Al-Kayf majhoul. Al-Kayf, on le connaît pas. C'est obligatoire d'y croire et de demander ces questions-là au sujet du kayf, c'est une bid'ah. Donc ça c'est pour montrer que les salaf, ils connaissaient la signification des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne savaient pas al-kayfiyya, parce que personne ne peut la connaître, et ils affirmaient ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, sans nier la signification, d'accord, et sans faire de tashbih. Donc ça c'est c'est très important, parce que quand tu entends les ash'ara, ils essaient de faire croire que la voix des salaf c'est ça, et ils disent que c'est aslam. Qu'est-ce que ça veut dire aslam? Ça veut dire c'est la voix qui est salim, yani c'est la voix qui est de yani salama. Cette voix-là, c'est plus sécuritaire, disons, c'est plus sauf. Tu suis cette voix-là, tu vas être sauf, tu vas être plus en sécurité, tu vois, parce que tu compliques pas les choses. Tu dis juste qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est ce qu'ils s'imaginent. Tandis que la voix des khalaf, elle est a'lam, elle est plus basée sur le ilm, et ahkam, elle est plus sage. Elle est plus sage en même temps, c'est-à-dire qu'il essaie de l'interpréter en donnant une interprétation et en donnant un autre sens. Donc par exemple, ils vont dire que quand tu lis par exemple al-istiwa, ça veut dire al-istila. Quand tu dis, quand Allah utilise le terme al-istiwa, eux ils l'interprètent en disant non, ça veut dire qu'Allah a pris le contrôle du trône, ou il a conquis son trône. Et ils disent quand Allah parle de la mer, ça veut dire sa ni'ma. Et quand Allah parle de la descente, quand il descend au dernier tiers de l'année, ça veut dire que son ordre descend, que son châtiment descend, ou que son ange descend, et des trucs comme ça. Donc ils font une interprétation en changeant le sens réel de l'affaire, et donc ils disent que ça c'est a'lam et ahkam. C'est plus intelligent, c'est basé sur une science et sur une sagesse. Alors que c'est faux, Yann. Et c'est pour ça que les ulama ont répondu à ces gens-là, les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit que la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est aslam wa a'lam wa ahkam. Elle est les trois en même temps. D'accord? Alhamdulillah. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent ça? C'est comme s'ils essaient de dire que leur voix, la voix des khalaf, elle est meilleure que la voix des salaf. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une forme d'égard. Et même l'imam al-Bayjouri lui-même, dans son poème qu'il a écrit, Jawharat al-Tawhid, et en passant Jawharat al-Tawhid, c'est la aqidah qui est enseignée à l'Azhar et dans d'autres écoles où il y a la aqidah des Asha'ara, et bien il dit « Wa kullu khayrin fi ittiba'i man salaf, wa kullu sharrin fi ittiba'i man khalaf. » Donc lui-même il dit que tout le bien vient de suivre ceux qui ont été parmi les salafs, et tout le mal vient de la bid'ah ou des innovations des khalafs. Et donc s'il avait respecté lui-même ce qu'il dit lui-même dans cette aqidah, il serait épargné d'être tombé dans la bid'ah à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il dit, le cheikh Ahmed al-Najmi il dit, كيف يكون من أهل السنة والجماعة من يؤول قوله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى فيكون كأنه مستول عليه غيره ثم استولى عليه بعد ذلك. Donc le cheikh il dit comment des gens pourraient se prétendre faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a alors qu'ils font le ta'wil du verset qui dit Ar-Rahman 'ala al-'Arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, hein, et ils l'interprètent en disant istawla, c'est-à-dire qu'il a pris le contrôle ou le pouvoir du trône, ou bien qu'il a conquis le trône. Et le cheikh il dit, et quand tu lis ça de cette façon, comment eux l'interprètent, ça donne l'impression, c'est comme si quelqu'un d'autre avait le pouvoir du trône avant, puis quelqu'un est venu pour le prendre, et que Allah subhanahu wa ta'ala est venu pour le reprendre. C'est ça ce que ça implique. Parce que tu dis que istawla, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment on utilise le terme istawla? c'est dans le sens de quand quelqu'un a conquis quelque chose. Par exemple, quand quelqu'un était sur le trône, il y a un autre qui est venu, il l'a enlevé du trône et il a pris sa place. On dit istawla. Donc qu'est-ce que ça implique ça? Ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala avait des adversaires et qu'il a dû compétitionner avec d'autres pour prendre le contrôle de son trône. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est batil, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'égo et il n'a pas non plus d'adversaires qui peuvent s'opposer à lui. Ensuite, il dit « وكيف يكون من أهل السنة والجماعة من يتأول حديث نزول الرب في الثلث الأخير من الليل الذي ثبت في قوله ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر رواه أحمد وأصله في الصحيحين. Donc le cheikh il dit, comment déjà ces gens-là pourraient être parmi les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah alors qu'ils font le ta'wil du hadith de la descente du Rabb, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux, dans le dernier tiers de la nuit. Comme c'est mentionné dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans la dernière, au dernier des cieux, c'est kulli layla, dans chaque nuit, il descend au sama dunya, au dernier des cieux, dans le dernier tiers de la nuit, ou bien dans la demi, à la moitié de la nuit, لنصف الليل الآخر, c'est-à-dire la dernière demi de la nuit, ou le dernier tiers de la nuit. Et il dit, qui va m'invoquer pour que je l'exauce, pour que je lui réponde? Qui va me demander quelque chose pour que je lui donne? Et qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Et il continue à demander ça et à faire ça jusqu'à la levée de l'aube. Ça c'est rapporté par Ahmad et à la base il est dans Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est un exemple de ta'wil qu'ils font. Et eux ils disent فيقول المؤول ينزل أمره مع أن أمر الله عز وجل هو نازل في كل وقت وحين. Donc les gens comme les Asha'ira, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Alors que la réalité, à ce sujet-là, c'est que le commandement d'Allah descend à tout moment. Donc pourquoi spécifier dans ce cas-là qu'il descend au dernier tiers de la nuit, si ça veut dire son commandement, ou son ordre? Et donc ça montre la fausseté de ce ta'wil. Et en plus, est-ce que le commandement d'Allah dit aux gens, qui est-ce qui va me demander pour que je lui pardonne? Il y en a d'autres qui l'interprètent aussi par l'ange. Ils disent que c'est l'ange qui descend au dernier tiers de la nuit et qui demande, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne. Et on sait très bien que personne ne peut pardonner excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est complètement absurde de croire une chose pareille. Après il dit, وَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ مَنْ يَتَأَوَّلُ الْيَدَيْنِ بِالنِّعْمَتَيْنِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ قَرَنَ ذَلِكَ بِمَا يَكُونُ من خصائص اليد وهو الإنفاق. فقال جل من قائل وقالت اليهود والنصارى أو وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء علما بأن النعم التي علما بأن النعم التي يسديها الرب الجليل إلى عباده كثيرة لا تحصى. قال جل من قائل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. Donc le cheikh il dit que comment ces gens-là pourraient être parmi les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a alors qu'ils interprètent que les deux mains qu'Allah s'est attribué lui-même dans la révélation, ils disent que c'est deux grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. ni'matayn, hein. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé, ou il a mis en relation le fait qu'il ait une main, hein, ou il a sa main, il l'a associé avec le fait de donner de ses bienfaits aux hommes. Hein, comme dans le verset, dans le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les juifs ont dit, la main d'Allah est fermée. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant, c'est eux qui ont eu la main fermée et ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, ses deux mains sont grandes ouvertes et il donne comme il veut. Okay? Donc, ça c'est, le cheikh il dit donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne comme il veut, comme il a mentionné, de ses grâces, et ses grâces ne sont pas, c'est-à-dire on ne veut pas les dénombrer. Il en a tellement de grâces qu'on ne peut pas les compter. Et il dit même dans le verset, « وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » Si tu essaies de calculer les grâces et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas arriver à les compter. Donc pourquoi il aurait dit « yadan » Pourquoi il aurait dit « deux ni'ma » Si l'yad ça veut dire « ni'ma », pourquoi il aurait dit « yadan » Pourquoi il aurait dit « deux ni'ma » Pourquoi pas il n'aurait pas mentionné plus. Et yani, ça c'est pour montrer que yani, ils veulent nier l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce genre de ta'wil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît bien la différence entre le mot yad et le mot ni'ma. Et s'il voulait dire ni'ma, il aurait dit ni'ma. Il n'a pas choisi le mot yad pour rien. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est hakim. Donc il sait pourquoi il utilise les termes qu'il utilise. Et il se décrit mieux que personne. Après, il dit aussi, وكيف يكون من أهل السنة والجماعة من يتأول حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا متفق عليه وما في معناه ويتأول النظر في هذا الحديث بأن النظر هنا مجاز عن الرحمة بأنه لا يرحمهم إلى غير ذلك من التأويلات المتأسفة والتي يحيلون بها النصوص الواردة من الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله مما يتضمن المعاني السامية التي تليق بالله عز وجل ويتأولونها بتأويلات باطلة. الشيخ يقول comment ces gens-là pourraient faire partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a alors qu'ils défendent le sens du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne regarde pas celui qui laisse traîner son vêtement par fierté, par orgueil. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, eux, ils déforment le sens de cet attribut-là, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala regarde, hein, ou bien qu'il ne regarde pas ceux qui font ça, et eux, ils disent que dans ce hadith-là, ça veut dire que al-nazar, la vue ou le regard qui est attribué à Allah dans ce hadith-là, c'est symbolique ou allégorique, et c'est pas réel, et ils disent que ça veut dire en réalité, ça veut dire que c'est la miséricorde, en fait qu'il ne leur fait pas miséricorde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est affirmé pour lui-même la miséricorde, et il s'est affirmé la vue. Et il a utilisé un nazar dans ce hadith, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah avec cet attribut-là dans ce hadith, et dans d'autres hadiths il a utilisé ar-rahma. Et ar-rahma a une signification différente que an-nazar dans la langue arabe. Donc si tu essaies de dire que an-nazar signifie ar-rahma, donc ça veut dire que tu essaies de nier l'attribut de an-nazar. Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne regarde pas. Hein. Et donc ça c'est un exemple de ta'wil qui est complètement faux. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ta'wilat qu'ils font comme ça, qui montre qu'ils essaient de déformer le sens des textes tels qu'ils sont mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah. Et ces attributs-là que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué par la révélation dans son livre ou bien par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah contiennent ou comportent des significations qui sont nobles et qui conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils essaient de les déformer par toutes sortes de fausses interprétations hein, qui font sortir les sens de ces attributs-là en dehors de la réalité de ce qu'ils signifient réellement. Et donc on voit que c'est le manhaj des gens qui ne font pas partie de Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a. Après il dit wa idha fakkarna ma huwa alladhi awjaba lahum dhalik najidu annahum za'amu ihalat al-uqul bi an yusaf Allah bi tilka as-sifat لأنهم جعلوا تأصيلات أهل الكلام هي الأساس وحكموا بها على النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت لله عز وجل أسماء وصفات تليق بجلاله. الشيخ الذكاء réfléchi sur la raison qui les ont poussés, qui les a obligés à essayer de suivre cette méthode qu'ils ont suivie, c'est parce qu'ils croient que les attributs qu'ils ont niés, ils croient que ces attributs-là, on ne peut pas les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles ne lui conviennent pas. Hein. Donc ils se sont basés sur leur raison pour dire ça. On dit, on peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les mains. On peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les yeux. On peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala l'istiwa. On peut pas attribuer al-nuzul. Pourquoi on peut pas attribuer ça? Parce que c'est pas logique. Parce qu'ils disent que c'est pas logique. Parce qu'ils disent que c'est pas rationnel. Hein. Donc, ils se basent sur la raison pour nier ce que Allah a dit. Et pour nier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. قل أنتم أعلم أم الله الله سبحانه وتعالى il dit dans le Coran, dit, est-ce que c'est vous qui savez mieux ou Allah? Allah سبحانه وتعالى connaît mieux ce qu'il dit à son sujet, ce qu'il, quand il parle de lui-même, il connaît mieux que les hommes. Alors comment vous pouvez prétendre que Allah ne sait pas ce qu'il dit à propos de lui-même et que votre raison est au-dessus de la parole d'Allah سبحانه وتعالى et au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc ça c'est l'égarement. فجعل الأشاعرة والماتريدية تلك التأصيلات الكلامية التي هي مأخوذة من الفلاسفة أو عن الفلاسفة وأهل المنطق ممن استغرقوا في علم الكلام وأمضوا فيه أوقاتهم وأفنوا فيه أعمارهم وكانت عاقبتهم إلى الحيرة فمنهم من يقول نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Ici, le cheikh, il dit que les Asha'ara et les Maturidiyya, parmi les choses qu'ils ont établies, ils les ont établies en se basant sur les principes de Ilm al-Kalam, qu'ils ont pris de la philosophie et de la logique d'Aristote, hein, et ils se sont noyés dans Ilm al-Kalam, et ils ont passé toute leur vie, tout leur temps, à essayer de débattre, puis de chercher à comprendre toutes sortes de questions philosophiques, hein, et ils sont terminés, ou ils ont terminé leur vie dans la confusion et le doute. Et certains d'entre eux, avant de mourir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit des choses comme les paroles ici de Fakhreddin al-Razi, un des imams des Asha'ira, il dit, la fin, nihayatu iqdam al-uqul iqalu, wa aktharu sa'i al-alamin dalalu. C'est-à-dire que ta raison, à la fin, elle est limitée. C'est ce que ça signifie, si tu veux résumer. Et la plupart de l'effort que les gens font pour atteindre la réalité par leur raison, eh bien, la plupart de ça, c'est de l'égarement à la fin. Et il dit, « Wa arwahuna fi wahshatin min jusumina ». Il dit, c'est comme si en réalité, quand ils ont passé tout leur temps à étudier ces affaires de philosophie-là, eh bien, même ils se sont trouvés comme si leur âme et leur corps, leur âme est étranger, ils ont un problème même entre eux-mêmes et leur corps et leur âme. Et rayatu dunyana azan wa wabalu, ils ont trouvé juste des problèmes et de la nuisance et des difficultés dans leur dunya, parce qu'ils ont été en conflit avec, avec eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas trouvé la certitude dans leur aqidah. Donc c'est ça ce que ça veut dire. وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِّنْ جُسُومِنَا. Ils sont en conflit intérieur, ils sont dans un conflit intérieur constant, ils n'ont jamais la paix à l'intérieur de leur âme, parce que ils ont essayé de trouver la vérité par toutes sortes de débats scientifiques, philosophiques de cette catégorie de ilm al-kalam, et tout ce qu'ils ont accumulé c'est le doute. Et ces livres-là vraiment, si on regarde justement, j'avais un livre de Fakhreddin al-Razi qui s'appelle Ma'alimun fi usul al-din, Ma'alimun fi usul al-din. Et quand tu lis ce livre, subhanallah, tu dirais ça, c'est, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est comme uniquement de la philosophie. Hein? C'est vraiment uniquement de la philosophie. Donc, tu vois que ces gens-là, ils ont fini leur doute, leur vie dans le doute, et c'est bien normal, puisqu'ils ont passé leur temps à utiliser comme référence la science. Pardon, pas la science, mais la philosophie, plutôt que la science. La science du Coran et de la Sunna. Parce que pour eux, la base, c'est pas le Coran et la Sunna, c'est pas la révélation, la base pour connaître Allah. La base pour connaître Allah, pour eux, c'est la raison. Comme les philosophes. Et il dit, وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَا أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا. Il dit, on n'a pas profité de toutes nos années dans lesquelles on a vécu sur cette terre, dans toutes les recherches qu'on a faites, on n'a rien profité en réalité de ça, excepté qu'on a, on a rassemblé qu'est-ce qu'un tel a dit et un tel a dit. Il ou parle. Un tel a dit ou on a dit qu'un tel a dit. Donc, à la fin, ils n'ont rien rassemblé, ils n'ont rien ramené. Hein? Et ça, c'est la voix des philosophes. Tout ce qu'un philosophe dit, un autre philosophe vient après, puis il le détruit, puis il affirme quelque chose de contraire. Et c'est ça la philosophie. Et même les philosophes, ils se sont pas mis d'accord sur qu'est-ce que c'est la philosophie. Chaque philosophe, il a une définition différente de qu'est-ce que c'est la philosophie. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'une soi-disant un domaine, une branche, une science qui a des divergences dans, même dans sa définition elle-même, hein? Et donc, ça c'est juste un exemple. Chaque fois qu'il y en a un qui va amener une théorie ou une idée, et bien, il y en a un autre qui vient par la suite pour essayer de le débattre et pour le réfuter. Et c'est ça la philosophie, d'accord? Donc il n'y a rien de stable, il n'y a rien de ferme, il n'y a rien de certain dans qu'est-ce qu'ils étudient. Et ils prétendent tous se baser sur la raison, et pourtant ils sont tous en désaccord. Donc ça veut dire que la réalité c'est quoi? C'est qu'ils ont tous une autre raison différente. Mais ils essaient de dire que ma raison c'est la raison. Hein, c'est pas ta raison, ma raison, la raison de l'autre frère, ou de l'autre personne, ou de X ou de Y, la raison d'Aristote, la raison de Platon. La... chacun, ils ont tous leur raison. Mais eux, ils essaient de faire croire aux gens qu'il y a une raison suprême et absolue qui est au-dessus de toutes les autres et que ça, c'est la vérité absolue. Hein? Et c'est ça, la réalité, c'est que cette raison-là qu'ils imaginent, eux, elle n'existe pas dans la réalité. C'est, elle existe juste dans leur imagination, dans leur tête. Mais dans la réalité, al-aql, de cette façon comme eux, ils l'entendent, elle n'existe pas. Et c'est ça que les ulama ont expliqué dans l'islam, la notion de aql, la définition de al-aql dans la langue arabe, c'est, en réalité, qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui t'arrête de faire quelque chose de mauvais ou quelque chose de pas bon, de quelque chose de nuisible. Hein, c'est de là que ça vient le mot aql en arabe. Et de là qu'on, c'est de là qu'on dit aussi, par exemple, elle, comme il dit dans son poème, وَنِهَايَةُ اِقْدَامَ الْعُقُولِ عِقَالُ. Al-iqal, on l'utilise, les arabes utilisent l'iqal, c'est pour attacher les jambes des chameaux, pour pas que le chameau s'en aille quand ils sont arrêtés. Ou bien aussi, les Saoudiens, tu les vois, les gens du Golfe, ils mettent l'affaire noire autour sur leur chimar pour le tenir quand il y a du vent. Hein, ils le mettent sur la tête, le truc noir là, rond, sur la tête, ça on appelle iqal an-nahab. Et ça c'est pour retenir le chimar, mais aussi c'était utilisé pour tenir les jambes des chameaux. Hein. Donc, l'aql, ça vient de ce sens-là, ça retient l'être humain de faire quelque chose qui est mauvais ou nuisible pour lui. Et il y a d'autres termes aussi qui impliquent aussi l'aql, comme al-nuha. Inna fi dhalika la ayatun li uli nuha. Ça vient de al-nahi, c'est-à-dire ça t'empêche de faire quelque chose. Ou bien inna fi dhalika la qasamun li dhi hijr. Et al-hijr aussi c'est la même chose, c'est quelque chose qui te bloque ou qui t'empêche de faire quelque chose de mauvais ou de nuisible pour toi-même. Donc c'est de là que ça vient. Et donc c'est pas, il n'y a pas dans la langue arabe le sens comme dans la langue grecque ou dans les idées des philosophes qu'il y a une raison absolue qui existe quelque part qui flotte dans le monde des idées puis qui serait au-dessus de toute réalité ou de toute vérité. Donc ça c'est juste un petit détail en passant. Il dit wa qala ba'duhum lamma ta'ammalt. Alors ça c'est certains entre les gens du kalam, ils ont dit laqad, en fait c'est le même Fakhr al-Razi. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. Donc il dit, certains d'entre eux ont dit, j'ai observé ou j'ai médité sur les voies ou les méthodes de ilm al-kalam et des méthodologies philosophiques. Et j'ai réalisé à la fin qu'elle n'arrive pas à régler aucun problème, hein, et elle n'enlève pas la soif à celui qui a soif. C'est une façon de dire que, yani, à la fin, tu vas étudier et utiliser ces méthodes-là, à la fin tu vas pas arriver à aucun résultat. J'ai vu que la meilleure des voies, c'est la voie établie par le Coran. Hein. Et après, il dit que ça, il dit هذا الكلام والأبيات تعزى إلى للفخر الرازي. Donc, ça veut dire que ces paroles-là et ces vers-là qu'on a mentionnés sont attribués à Fakhruddin al-Razi. Et lui, c'est un des imams parmi les imams des Asha'ira. Et c'est lui, parmi les imams des Asha'ira, qui a introduit incorporé dans la voie des Asha'ira. Après la mort d'Abu al-Hassan al-Ash'ari, il a introduit les méthodes philosophiques et la voie même des Mu'tazila à l'intérieur des Ash'ara. Donc on sait que Abu al-Hassan al-Ash'ari, il avait essayé de se débarrasser des Mu'tazila, puis de sortir de la secte des Mu'tazila. Et qu'est-ce qui est arrivé après l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est que ceux qui ont prétendu le suivre, et qui ont prétendu être sur sa voie, eh bien ils ont ramené dans cette voie-là beaucoup des bédas des Mu'tazila et beaucoup des voies des philosophes. D'accord, donc c'est ça qui est arrivé par la suite. Mais là on voit que la plupart d'entre ces gens-là, avant de mourir, ils se sont eux-mêmes désavoués ou bien ils ont eux-mêmes renié ce qu'ils ont cherché durant toute leur vie. Et ils ont admis à la fin de leur vie, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils ont admis à la fin de leur vie avoir les remords et de revenir à la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Comme il mentionne exemple ici, يقول الإمام أبو المعالي الجويني لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. Il dit que l'imam al-Juwayni Abu al-Ma'ali, il disait que c'est comme si on voulait dire j'ai pataugé dans l'océan de débats philosophiques et j'ai abandonné l'islam et les sciences de l'islam et j'ai pataugé dans ce qu'on m'avait interdit, hein, la philosophie, ilm al-kalam et tout ça, et aujourd'hui, si Allah ne m'accueille pas avec sa miséricorde, alors malheur à un tel. Hein? Parce que me voilà aujourd'hui, je meurs sur la croyance et sur la aqida de ma mère. En voulant dire, j'ai débattu toute ma vie, j'ai fait des recherches philosophiques et je suis rentré dans Ilm al-Kalam. Il est rentré dans le fond de Ilm al-Kalam. Il a été parmi un des plus grands savants dans ce domaine. Et avant de mourir, il n'a pas encore atteint la certitude et donc il dit, me revoilà maintenant avant de mourir, je reviens à la voie de ma mère, à la croyance de ma mère. En voulant dire que ma mère, elle n'a pas fait toutes ses études, toutes ses recherches philosophiques, ilm al-kalam et tout, mais elle a toujours gardé sa aqida et sa certitude, elle n'a jamais douté, et elle est restée sur hein, la base de l'islam, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, et elle a cru à ça, et me voilà aujourd'hui que moi je pensais que j'avais tellement avancé dans les questions philosophiques et dans la foi, je pensais que j'avais atteint un niveau, et là je réalise qu'en réalité j'avais rien atteint du tout, et que je termine avec les doutes, et je reviens à ce que ma mère a appris. Et il faut en même temps noter ici, quand il dit « je meurs sur la aqida de ma mère », qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a parmi les gens de Bid'a aujourd'hui qui disent « ah moi, l'islam que j'ai connu, c'est pas l'islam de… l'islam que ma mère m'a enseigné, c'est pas l'islam que certains aujourd'hui suivent, qui appellent au Coran et à la Sunna. Moi, je suis l'islam de ma mère ou de mes parents ou de ma grand-mère. » Alaykoum salam. Toutefois, c'est… Toutefois, ça, comme Cheikh Al-Fawzan a expliqué, il a dit, ça tu dis dans le cas où ta mère, elle est sur le Coran et la Sunna, et où ta grand-mère, elle est sur la aqida qui est établie par le Coran et la Sunna. Mais si ta grand-mère ou ta mère ou ton père, ils sont pas sur la aqida qui est sur la Sunna, et qu'ils sont sur la bid'a et sur les jahl, les khurafat, là tu peux pas dire, je vais me baser sur cette aqida-là. Dans ce sens-là, d'accord? Tu dois plutôt dire, non, si mes parents ou ma mère ou mes grands-parents étaient sur le jahl, l'ignorance ou les bid'a, dans ce cas-là, moi je suis pas là-dessus. Mais dans le cas où l'imam al-Juwayni ici, il parle de sa mère et à l'époque où les gens, ils avaient une base dans la connaissance du Coran et de la Sunna, et c'était une autre époque par rapport à notre époque. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, subhanallah, je lisais ça justement dans un livre, il y avait une femme qui disait, oh ma grand-mère, ou bien je sais pas qui, elle allait dans les coubours, puis elle priait les morts, et puis elle croyait en toutes sortes de superstitions, et donc elle se basait pour dire, oh regardez, ma grand-mère avait une croyance tellement sincère, sauf que c'est sincère, mais une sincérité qui est basée sur l'ignorance et l'égarement, donc ça compte pas dans ce cas-là. Après, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, « Yaqul le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, rahimahullah, fi durar al-saniya, fi l'ajurbat al-najdiya, عن أبي الحسن الأشعري فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي تنتسب إليه الأشاعرة اليوم لأنه إمام الطائفة المذكورة كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين ولم يحكي تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية وصرح أنه خلاف قوله لأنه خلاف قول أهل السنة والجماعة. Donc l'imam عبد الرحمن بن قاسم النجدي il a écrit dans son livre الدرر الثانية في الأجوبة النجدية, et ça c'est un recueil des fatwas des ulama du Najd, les ulama du Najd, il les a rassemblés dans des livres et ça s'appelle الدرر الثانية. Donc c'est les fatawas de l'imam Muhammad Abdul Wahhab, ou bien des élèves de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et dans le volume 3, à la page 124, il rapporte que à propos de Abul Hassan al-Ash'ari, il dit, en parlant de sa dernière position avant sa mort, quand il est revenu à la position de Ahlus Sunnah wal-Jama'ah, il dit, regarde, rahimakallah, ça c'est après avoir probablement mentionné les paroles qui sont mentionnées dans Al-Ibana et dans le livre qu'il a écrit avant de mourir, dans lequel il dit qu'il revient à la position de Ahlus Sunnah wal-Jama'ah et de l'imam Ahmed. Donc il dit, regarde, que Allah te fasse miséricorde, regarde cet imam auquel s'apparente ou auquel prétendent appartenir les Asha'ira aujourd'hui, car c'est l'imam de ce groupe mentionné, c'est-à-dire l'imam des Asha'ira. Comment lui-même il explique clairement, et il expose clairement sa aqida en ce qui concerne les versets qui ont rapport aux attributs d'Allah et les hadiths qui ont rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il expose la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, et il montre la aqida des Sahaba et des Tabi'in et des imams de la religion, et il n'a pas cité les paroles c'est-à-dire en ce qui concerne l'istiwa, et il n'a pas, c'est-à-dire quand il a mentionné les paroles au sujet des attributs d'Allah, comme par exemple que al-istiwa elle est interprétée par al-istila, ou que la main elle est interprétée par al-ni'ma, la grâce, ou bien que l'œil, l'ayn, est interprété par la science. Quand il a mentionné ça, il a dit ça, c'est la voix des Mu'tazila et des Jahmiya, hein, dans ce livre-là. Donc ça veut dire qu'il s'est désavoué de cette aqida, et il a attribué ces formes de ta'wil aux Mu'tazila et aux Jahmiya. Donc ça prouve que c'est pas, qu'il a rejeté cette voix. Il a rejeté la voix du ta'wil et la voie des fausses interprétations, et il a accepté d'affirmer ces attributs-là, hein, et il dit, cette idée-là, qu'il faut transformer ou déformer le sens des attributs d'Allah, c'est contraire à ce que je dis moi, parce que moi, je suis sur la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, hein, et donc, le fait d'interpréter ces attributs-là de cette façon, c'est contraire à ma voie, et c'est contraire à la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Et donc ça prouve qu'il est revenu à la position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah avant de mourir. Après il dit, « Wa akhiran fa inni ashkurullah, summa ashkuru akhi fillah Abd al-Aziz al-Rais, ashkuruhu ala waqtihi wa bayanihi lil-haq wa dahdihi lil-batil bima kataba min al-naqd wa rad ala al-fatwa al-jama'iyyah في أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، وأحث طلاب العلم على قراءة هذا الرد حتى يتبصروا ويميزوا بين الحق والباطل، وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يكثر أهل العلم المنصفين الذين يدافعون عن العقيدة الإسلامية، وأن يكثر سوادهم أو يكثر سوادهم، وأن يكثر سوادهم، وأن يعينهم على رد كل شبهة يقصد من ورائها تلبيس الحق وخلطه بالباطل، والله يتولى الجميع ويجزي من دافع عن العقيدة الإسلامية خير الجزاء ويرد من ضل عن الحق ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit qu'il remercie le cheikh Abdel Aziz, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite il remercie le cheikh Abdel Aziz al-Rais pour son temps et pour avoir clarifié la vérité et refuté le mensonge. Et donc on voit qu'il dit dans son livre, il y a donc la critique et la réfutation de la fatwa de groupe, hein, la fatwa de groupe qui a été faite pour dire que les Asha'ira et les Maturidiyya font partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, et il dit qu'il encourage les étudiants de Tulab al-Ilm de lire cette réfutation-là pour avoir une bonne vision, une bonne compréhension, et pour être capable de distinguer entre le vrai et le faux. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser le cheikh de la meilleure récompense, et qu'il augmente le nombre des gens de ilm, et de ceux qui défendent la aqida islamique, et qui qu'il augmente leur nombre et de les aider de réfuter, à réfuter toutes les shubuhat qui sont établies dans le but de cacher la vérité et de la mélanger avec le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est yani, donc au-dessus de tout le monde, et c'est lui qui donc on demande à Allah qu'il récompense celui qui défend la aqida de la meilleure récompense et qui réfute l'égarement, et de récompenser ceux qui réfutent l'égarement, ou qui de ramener ceux qui se sont égarés à la vérité d'une belle façon. Et paix et salut sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur les sahaba et sur sa famille. Ensuite, le cheikh il mentionne la lettre qui a été envoyée de la part du cheikh Ubayd al-Jabri rahimahullah. Il dit fa'alfaytu barakallahu fikum qadra fa'alfaytukum barakallahu fikum qad aray أرويتكم الغليل قد أرويتم الغليل وشفيتم العليل بما أقمتموه من الدليل على ضلال فتوى أولئك بأن لا شعر من الفرقة الناجية فجزاكم الله خيرا وزادكم توفيقا وتثبيتا وإياكم على الإسلام والسنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فانشروا هذا البحث إن رأيتم على بركة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit j'ai lu ce que vous avez écrit et j'ai vu que ça remplit le but que pour lequel vous l'avez écrit, ça étanche la soif de celui qui cherche la vérité et tout, et donc ça montre la fausseté de l'égarement, et l'égarement de ceux qui ont fait cette fatwa en disant que les Asha'ira font partie du groupe sauvé. Donc, que Allah vous remercie et qu'il vous augmente en succès. Et donc, c'est pour confirmer et supporter l'opinion et la position du Cheikh Abdelaziz al-Raïs. Donc, ça c'est l'introduction du livre qu'on vient de lire. Et maintenant, on va terminer en lisant la fatwa elle-même. Quoi, la fatwa de ces gens-là? Puis, la semaine prochaine, on lira, Inch'Allah, le début de la réponse à propos de cette fatwa. Donc, la fatwa, je vais la lire un petit peu plus rapidement pour faire un résumé rapide. Cheikh, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça c'est le texte, il dit, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد وقفت على فتوى جماعية مشتركة بين ثلاثة وهم الشيخ عبد الله الغليمان والشيخ محمد الصحيباني والشيخ عبد العزيز القاري وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضاه سألوا فيها عن الأشاعرة وكان مفاد جوابهم أنهم ليسوا من الاثنين والسبعين الفرقة الضالة ومعناه أنهم من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ودعوا إلى التعاون معهم على البر والتقوى وإليك نص السؤال والجواب وهو موجود في موقع الإسلام اليوم الذي يشرف عليه سلمان العودة ما حكم التعامل مع المخالف لعقيدة السلف الصالح كالأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم والتعاون معهم على البر والتقوى والأمور العامة وهل يحرم العمل معهم سواء كانت الإدارة لنا وهم يعملون تحتنا أو العمل تحت إشرافهم وهل هم من الفرقة الضالة الاثنين والسبعين وهل التعامل معهم يعد من باب التولي غير المؤمنين الحمد لله. Donc ça c'est la parole, l'introduction. Le cheikh il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma bad. Il dit je suis tombé sur une fatwa de groupe faite par un groupe de trois personnes. C'est parmi ces gens-là, al-Sheikh Abdullah al-Ghulayman, al-Sheikh Muhammad al-Sahibani et al-Sheikh Abdelaziz al-Qari. Et que Allah nous donne le succès à nous ainsi qu'à eux pour atteindre ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Il dit ils ont été questionnés au sujet des Asha'ira. Et dans leur réponse, ils ont dit qu'ils ne font pas partie des 72 sectes égarées. Et donc, selon eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font partie du groupe sauvé et victorieux. Et ils ont invité les musulmans à coopérer avec eux dans le bien et dans la piété. Et voici donc le texte de la question et la réponse à cette question qui a été donnée par ces trois chouyours. Et elle est présente dans le site Al-Islam Al-Yawm, c'est-à-dire Islam Today en anglais, Islam Today, ou l'Islam aujourd'hui. Et ce site-là est sous, la responsabilité ou la vérification de Salman Al-Awda. Et vous connaissez tous Salman Al-Awda qui faisait partie des Sururiyin, parmi les Sururiyin en Arabie Saoudite, c'est-à-dire le groupe de tendance des Ikhwan en Arabie Saoudite, et qui avait été emprisonné sous l'ordre du chef Ibn Baz, rahimahullah, et des ulama de l'Arabie Saoudite. Pendant plusieurs années, il est resté en prison à cause de la fitna qu'il faisait avant avec ses cassettes et ses livres. Donc, ça c'est le texte, ce texte et cette question, elle était donc présente sur son site internet, Al-Islam Al-Yawm. Donc la question, le texte de la question c'est comme suit, quel est le verdict de l'islam, ou bien qu'est-ce que vous dites au sujet de coopérer avec ceux qui sont en contradiction avec l'aqida des salaf salih, comme les groupes des Asha'ira et des Maturidiyya, et ceux qui ont suivi leur voie, et de coopérer avec eux dans le bien et dans la piété, et dans les choses en général, dans les affaires générales. Est-ce que c'est interdit d'agir avec eux, ou de travailler avec eux, peu importe que la direction soit pour nous, c'est-à-dire qu'on soit nous ceux qui sont en charge et c'est nous qui dirigent et eux ils travaillent sous nos ordres, ou bien que ce soit nous qui travaillons sous leur charge, sous leurs ordres. Et est-ce qu'ils font partie des 72 sectes égarées, et est-ce que de coopérer avec eux et de travailler avec eux, est-ce que ça rentre dans les catégories de travailler et de prendre pour alliés d'autres que les croyants? Donc, ça c'est la question. Et la réponse qui a été donnée à ce sujet-là par ces trois chouyours, c'est celle qui suit. Ils ont dit « Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. وجوابا على ذلك نقول الأشاعرة والماتريدية قد خالفوا الصواب حين أولوا بعض صفات الله سبحانه ولكنهم من أهل السنة والجماعة ليسوا من الفرق الضالة 72 إلا من غلا منهم في التعطيل ووافق الجهمية فحكمه حكم الجهمية أما سائر الأشاعرة والماتريدية ليسوا كذلك هم معذورون في اجتهادهم وإن أخطأوا الحق يجوز التعامل والتعاون معهم على البر والتقوى وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تتلمذ على كثير من العلماء الأشاعرة بل قد قاتل تحت راية أمراء المماليك حكام ذلك الزمان وآمتهم أشاعرة بل كان القائد المجاهد البطل نور الدين الزنكي الشهيد وكذا صلاح الدين الأيوبي من الأشاعرة كما نص عليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيرهما كثير من العلماء والقواد المصلحين بل إن كثيرا من علماء المسلمين أئمة وأئمتهم أشاعرة وماتريدية كأمثال البيهقي والنووي وابن صلاح والمزي وابن حجر الأسقلاني والعراقي والسخاوي والزيلعي والسيوطي بل جميع شراح البخاري هم أشاعرة وغيرهم كثير ومع ذلك استفاد الناس من علمهم وأقروا لهم بالفضل والإمامة في الدين مع اعتقادهم كونهم معذورين فيما اجتهدوا فيه وأخطأوا والله يعفو عنهم ويغفر لهم والخليفة المأمون كان جهميا ومعتزليا وكذلك المعتصم والواثق كانوا جهمية طلالا ومع ذلك لم يفتي أحد من الأئمة من أئمة الإسلام بعدم جواز الاقتداء بهم في الصلوات والقتال تحت رايتهم في الجهاد، فلم يفتي أحد مثلا بتحريم القتال مع المعتصم يوم العمورية مع توافر الأئمة في ذلك الزمان كأمثال أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وعلي المديني ويحيى بن معين وأضرابهم من كبار أئمة القرن الهجري الثالث، ولم نسمع أن أحدا منهم حرم التعامل مع أولئك القوم أو منع الاقتداء بهم أو القتال تحت رايتهم، فيجب أن نتأدب بأدب السلف مع المخالف. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc ça c'est le texte de la fatwa et je vais la traduire pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Et dans cette fatwa, il y a en fait beaucoup de fausseté, beaucoup de mélange entre le vrai et le faux, et donc il faut faire attention à qu'est-ce qui est écrit dedans. Et tout ce qui va suivre dans le livre, il a environ 92 pages, donc tout ce qui va suivre, c'est pour réfuter et répondre à ces allégations qui ont été émises par ces trois chouyoukhs dans cette fatwa. Donc ici, ils disent dans cette fatwa, les Asha'ira et les Maturidiya ont contredit qu'est-ce qui est correct lorsqu'ils ont déformé ou fait le ta'wil de certaines des attributs d'Allah. Ils disent, mais toutefois, ils font partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, et ils disent qu'ils ne font pas partie des sectes égarées parmi les 72 sectes, excepté ceux d'entre eux qui ont exagéré dans at-ta'til, c'est-à-dire dans la négation des attributs, et qui ont été d'accord avec la position des Jahmiyyah. Donc s'ils ont exagéré, donc ça veut dire qu'ils ont été d'accord avec les Jahmiyyah, et donc le jugement à leur sujet est le même que celui des Jahmiyyah. Mais les autres Asha'ira et les Maturidiyah, alors eux ils disent qu'ils ne font pas partie des donc de ceux-là qui ont exagéré, et ils sont donc excusés pour leur ijtihad, même s'ils ont fait des erreurs et qu'ils ont manqué la vérité. Ils disent que c'est permis de coopérer avec eux, de travailler avec eux dans le bien et dans la bonté et dans la piété. Et ils disent que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a été l'élève de plusieurs d'entre les ulama qui étaient Asha'ira, et il a même combattu sous la bannière des dirigeants qui étaient des mamaliques, et à l'époque c'était la plupart des Asha'ira. Il était même que le Mujahid, un des héros et des grands hommes de l'époque, qui était un Mujahid et qui était shahid, c'était Az-Zinki, il s'appelle Nuruddin Az-Zinki, et aussi Salahuddin Al-Ayyubi. Ils disent qu'ils sont parmi les Asha'ira, comme l'a dit l'imam Al-Zahabi dans Sir A'lam al-Nubala. Et ils disent qu'il y a beaucoup d'autres parmi les ulama et les dirigeants, les chefs d'armée et des réformateurs qui ont été Asha'ira selon lui ou selon eux. Et après, ils disent que plusieurs parmi les ulama et les imams de l'islam étaient Asha'ira ou Maturidiya, comme Al-Bayhaqi et Al-Nawawi et Ibn Salah et Al-Mizzi et Ibn Hajar Al-Asqalani et Al-Iraqi et Al-Sakhawi et Al-Zayla'i et Al-Suyuti et plusieurs d'entre les gens qui ont expliqué. En fait, il dit tous les gens qui ont écrit des explications de Sahih al-Bukhari étaient des Asha'ira, et il y en a beaucoup d'autres. Donc ça c'est qu'est-ce qu'ils prétendent. Puis ensuite ils disent et malgré ça, les gens ont profité de leur science et ils ont confirmé ou ont approuvé que ces gens-là avaient des mérites et qu'ils étaient des imams dans la religion, malgré que et ils croyaient qu'ils étaient excusés dans leurs erreurs, dans leur aqidah, à cause de l'ijtihad. C'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts pour atteindre la vérité, mais ils se sont trompés. Et donc, on espère que Allah les pardonne et ait pitié d'eux, ou disons ait de l'indulgence pour eux. Et ils parlent par la suite, ils disent que le Khalifa al-Ma'mun était un Jahmi Mu'tazili, de même que al-Mu'tasim et al-Wasiq étaient des Jahmiyyah égarés. Mais aucun savant de l'époque n'avait fait une fatwa pour dire qu'il était permis pour dire qu'il n'était pas permis de prier derrière eux ou de combattre derrière leur bannière dans le djihad. Hein. Ils n'ont pas non plus fait de fatwa pour interdire de combattre avec le al-Mu'tasim dans la bataille de al-Umariyah, alors qu'il y avait à cette époque plusieurs parmi les imams de l'islam qui étaient en vie, comme l'imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, Abu Daoud, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, et d'autres de cette catégorie parmi les grands imams de ce siècle, du troisième siècle Hijri. Et on n'a pas entendu aucun d'entre eux dire qu'il était interdit de coopérer et de travailler avec eux, ou qu'il n'était pas permis de les prendre comme exemple, de se baser sur, de les prendre comme guide ou chef, et de combattre derrière leur bannière. Donc, il est obligatoire de prendre comme manière la manière des salafs et le comportement des salafs envers ceux qui nous opposent et qui ont contredit la vérité dans l'aqidah. Et il dit Wallahu A'lam, et paix et salut sur le messager et sur sa famille et ses compagnons. Donc ça c'est la fatwa. Après le cheikh il dit, pour conclure, pour faire une note là-dessus, il dit « Le docteur Abdul Aziz ibn Abdul Fattah al-Qari, عميد كلية القرآن في الجامعة الإسلامية سابقا، والدكتور محمد بن ناصر الصحيباني مدرس بالمسجد النبوي، والدكتور عبد الله محمد الغنيمان رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا. Donc ça c'est les trois qui ont signé. Ils ont signé leur nom et leur fonction. C'est-à-dire Abdul Aziz al-Fattah, il est le recteur de la faculté, il était le recteur de la faculté de Coran dans l'université islamique avant, c'est-à-dire il n'est plus maintenant. Et Mohamed al-Suhaibani, il était un professeur à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah al-Ghulayman, il était le chef de la section des études supérieures à l'université islamique avant. Et le chef il dit « ولما قرأت هذه الفتوى عجبت غاية العجب أن تخرج ممن هم منسوبون لأهل السنة بل لعلمائهم وأكثر ما تعجبت أن يكون من بينهم الشيخ عبد الله الغنيمان ومما يلفت النظر أن موقع الإسلام اليوم جدد نشرها هذه الأيام في الصفحة الأولى للموقع وكأنها مقصودة لمساندة كتاب جديد طبع بعنوان أهل السنة والجماعة قدم له 10 كلهم أجنبيون عن أهل السنة وأهلها أو كلهم أجنبيون عن أهل السنة عن السنة وأهلها ومنهم مفتي مصر علي جمعة ومحمد سعيد رمضان البوطي وعجيل النمشي الإخواني الكويتي وعلي الجفري داعية الشرك القائل الولي يحيي الموتى أو أنه أراد أن يدعم موقفه غير المرضي من تأييد الرافضة في لبنان وبين يديك أيها القارئ أوراق مختصرات في الرد على هذه الفتوى البدعية الجماعية المخالفة للمسلمات وأصول أهل السنة الطائفة المرضية وأسأل الله أن يتم بها المقصود إنه الرب الودود وسميتها تأكيد المسلمات السلفية في نقد فتوى الجماعية بأن الأشاعرة من الفرقة المرضية. Donc il dit que il dit, le Cheikh Abdelaziz Ibn Raïs, il dit, lorsque j'ai lu cette fatwa, j'ai été très étonné, hein, qu'elle vienne des, qu'elle sorte des gens qui sont supposés appartenir à Ahl-Sunnah, et parmi, et ce qu'ils sont supposés être parmi les ulama d'Ahl-Sunnah. Et qu'est-ce qui m'a étonné le plus, c'est que j'ai trouvé parmi eux le Cheikh Abdullah Al-Hunayman, qui est supposé d'être un parmi les chouïrs des chouïrs qui défendent la sunna. Hein? Donc ça c'est parce qu'il a plusieurs erreurs. Abdullah Al-Hunayman maintenant, il a plusieurs erreurs. Et même que j'écoutais Cheikh Obaid Al-Jabir hier, dans un cours qu'il faisait, et il disait qu'il supporte le takfiriyin, il supporte pas les takfiriyin, il supporte un takfiri, Mohamed Sourour. Il faisait la défense de Mohamed Sourour, et il défendait les takfiriyin de cette façon, parce que Mohamed Zain Abidine Sourour, c'est un takfiri. Takfir, c'est ceux qui déclarent des gens kuffar. Takfir, ça vient de takfir, ça vient de kufr, yani. C'est-à-dire, tu dis que quelqu'un est kafir, donc ça veut dire pas faire takfir. Mais le problème, ils font le takfir, les takfiriyun, c'est des gens qui font le takfir, mais sans se baser sur aucun principe et aucune règle établie par le Coran et la Sunna. Ils font le takfir en se basant sur leurs désirs et leurs passions, pas se basant sur la vérité. Et ouais, c'est ça. Et donc, ils déclarent les dirigeants kuffar, sans preuve, sans éléments établis par le Coran et la Sunna, donc on les appelle takfiriyun. Et en fait, c'est des khawarij. C'est des khawarij, parce que c'est les khawarij qui font ça. Il a expliqué à propos de Al-Hunayman qu'il défend Mohamed Zain Abidine Sourour et les takfiriyin. Après, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, qu'est-ce qu'on peut remarquer, qu'est-ce qui attire le regard, c'est que dans le site de Salman Al-Awda, qui est un des sourouriens en Arabie Saoudite, hein, maintenant il est sorti de prison maintenant, il a une émission de télé, ok, en Arabie Saoudite, il a une émission de télé, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et avant il avait un discours vraiment virulent, et Dieu, il a incité les jeunes partout dans le monde à la fitna. Même par exemple, il incitait les gens de partir en Irak, hein, et il incitait les gens de partir en Afghanistan, et il incitait les gens en Algérie. Il défendait les gens qui faisaient les actes de terrorisme et qui se disaient Mujahideen, le FIS et le GIA et les autres groupes. Il disait que ce qu'ils faisaient c'était un vrai djihad, hein, donc il les encourageait là-dedans. Il y a le Cheikh Abdul Malik Ramadan qui a écrit un livre qui s'appelle Madarik al-Nawar fi al-Siyasa, et il montre les paroles de Salman al-Awda et de Aïd al-Qarni et de Safar al-Hawali et de cette gang-là en Arabie Saoudite qui font partie des Sourouriyas qui ont essayé de supporter qu'est-ce qui s'était passé en Algérie, hein, alors que tous les autres ulama ils disaient non, pas de djihad, eux ils étaient là pour contredire les ulama et pour inciter les gens à continuer dans la fitna. Hein, donc ça c'est un exemple de la position de Salman al-Awda, et il y a beaucoup d'autres aussi, d'autres positions qu'il avait qui étaient vraiment contraires au Coran et à la Sunna, et il défendait At-Turabi au Soudan, et il disait que le Soudan c'était un état islamique. Salman al-Awda, il doit être dans la cinquantaine aujourd'hui, ouais. Donc parce que ils suivent le manhaj des Ikhwan, ces gens-là ils suivent le manhaj des Ikhwan. Malheureusement, le livre de Cheikh Abdul Malik Ramadani, il y a très peu de gens qui l'ont lu, en tout cas ici, parmi les gens que je connais ici à Montréal, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu, alors que c'est un livre très important, et je pense que tous les Algériens qui sont salafis, ou bien qui ne sont pas salafis, mais qui veulent connaître Al-Haq, ils devraient tous faire un effort pour lire ce livre. Abdul Malik Ramadani, Madarik al-Nawar fi al-Siyasa, parce qu'il a expliqué et clarifié le manhaj, et les points qui ont rapport avec le manhaj d'une façon vraiment intéressante et claire, hein, avec les preuves. Il a montré les positions de ces hizbiyin, que ce soit Ali ibn Hajj ou Ali Abbas Madani, et les autres qui ont fait partie de cette fitna à l'époque, et qui ont contredit le manhaj des salafs. Donc il a clarifié tout ce qui s'est passé là-bas, avant, pendant et après. Et donc, malheureusement, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas lu ce livre, eh bien leur compréhension est encore mélangée à ce sujet-là. Chaque fois que je parle avec un frère algérien à propos de l'Algérie, ils pensent tous qu'ils ont mieux compris que les autres. Mais pourtant, la preuve que beaucoup d'entre eux n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas lu ce livre-là. Et ils s'imaginent avoir compris. Donc, c'est triste qu'on ne lit pas. Les gens aiment beaucoup les cassettes. Frères algériens, ils aiment beaucoup écouter les cassettes. Et peu d'entre eux prennent le temps de lire. Et donc, c'est important pour eux de faire l'effort de lire. Parce que, il y a beaucoup de choses dans les cassettes. C'est vrai, il y a beaucoup de règles dans les cassettes. Les ulama expliquent beaucoup de choses dans les cassettes. Mais, il y a beaucoup de détails et de points qui sont clarifiés dans les livres que tu peux pas trouver dans les cassettes. Hein? Et comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Eh ben, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui est écrit, il est là, tu peux le vérifier. Hein, tandis que les paroles, ça peut changer facilement, mais les écrits, tu ne peux pas les changer facilement. Donc, ça c'est clair. Quelqu'un peut dire quelque chose dans une cassette, et puis c'est sa langue qui a fourché, hein, ou glissé, hein, comme on dit, « Zalla tulisan », hein, et quand tu lui dis, tu as dit ça dans la cassette, il revient, puis il te dit, « Ah, mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire, je m'excuse, ou bien il s'est trompé. Hein. » C'est pour ça même Cheikh Al-Fawzan il dit on ne peut pas se baser sur une cassette pour dire qu'est-ce que quelqu'un a voulu dire ou pour prendre les propos de quelqu'un. À moins qu'on lui fait entendre ou qu'on lui dise qu'est-ce qu'il a dit puis qu'il le confirme, là oui. Ou bien qu'on le met par écrit puis qu'on lui fait lire par la suite. C'est pour ça Cheikh Al-Fawzan il dit on ne prend pas une fatwa sur une cassette jusqu'à ce qu'on l'ait remis en texte, hein, on a écrit ce qu'il a dit. Puis qu'il l'a lu et qu'il l'a approuvé, là après on dit oui, ça c'est sa parole. Ouais, on se base pas juste uniquement sur le truc audio seulement. Donc ça c'est important. Et donc ce livre-là, Madarik al-Nazar fi Siyasa wal Infi'alat al-Hamasiya, en tout cas le titre est très long, mais le titre, le début c'est Madarik al-Nazar fi Siyasa, tout talib ilm, toute personne qui veut comprendre réellement la réalité de la da'wa salafia et comprendre les événements qui se sont produits en Algérie et dans d'autres pays musulmans qui sont basés sur les groupes politiques et les ahzab, siyasir et la fitane de tout ce qui a rapport avec ça, il faut qu'il lise Madarik al-Nazar. Moi-même, ce livre-là, il m'a clarifié beaucoup de questions et de points d'interrogation sur beaucoup de choses que j'avais pas compris. Non, mais je ne sais pas s'il est traduit tout en français, mais je pense qu'il y a des passages qui sont traduits en français. Mais sinon, c'est très important, quelqu'un doit lire ce livre. Hein? Donc, alhamdoulilah. Et le Cheikh Abdelmalik Ramadan, il est actuellement à Médine, hein? Et puis, il donne des cours, là. Non, mashallah. Donc, alhamdoulilah. Ok. Donc, le Cheikh, il dit donc que, ils ont probablement remis cette fatwa à propos des Asha'ira et des Maturidiyya pour, disons, essayer de faire la promotion ou bien d'essayer de ramener ça à un livre qu'ils ont publié, qui s'appelle, un nouveau livre qui s'appelle Ahl Sunnah al-Asha'ira. Les gens de la Sunnah al-Asha'ira. Et ce livre-là, il a été, il y a des 10 personnes qui ont écrit des introductions à ce livre-là, et les 10 d'entre eux n'ont rien à voir avec la Sunna, ni avec les gens d'Ahl Sunna. Et parmi eux, on trouve qui? Le Mufti de l'Égypte, Ali Juma, Mohamed Saïd Ramadan Bouti, le Soufi de la Syrie, hein, c'est un Ash'ari, un Soufi, un Khurafi, et, un autre Ikhwani du Koweït qui s'appelle Ajil ou Ajil al-Nashmi et Ali al-Jafri, hein, Ali al-Jafri qui appelle les gens au shirk, hein, et parmi les choses qu'il dit c'est que le wali il peut faire revivre les morts. Donc ça c'est des exemples des gens de Bid'a qui ont fait des introductions pour ce livre-là, Ahl Sunnah al-Ash'ara. Donc ça c'est peut-être pour ça qu'ils ont remis cette fatwa sur la première page du site Al-Islam al-Yawm, et il dit, il a voulu, ou bien aussi peut-être qu'ils ont voulu essayer de mettre ça pour essayer de supporter leur position qui n'était pas agréée de quand ils voulaient supporter les Rafida, quand il y avait le conflit entre le Liban et Israël, les Israéliens, les Juifs, les Yahoud. Donc, ils ont voulu mettre ça pour dire, ah, ça justifie notre position de support vis-à-vis des Rafida. Hein? Parce qu'il y a des gens de Bid'a qui disaient, il faut supporter les Rafida contre les Juifs. Alors que les Rafida, c'est des kuffars. Et leur coffre est plus grand que le coffre des Juifs, hein. Parce que le coffre des Juifs, c'est un coffre qui est coffre asli, tandis que le coffre des Rafida, c'est un coffre ridda, c'est un coffre d'apostasie. Les Juifs sont kuffars à la base. Et Allah nous a permis de marier leurs femmes et de manger leur viande, hein. Et s'ils payent la jizya, on n'a pas le droit de les combattre. Tandis que les Rafida, qui sont des kuffars, on n'a pas le droit de marier leurs femmes, on n'a pas le droit de manger leur viande, et si on les combat, même s'ils payent la jizya, on n'a pas le droit de l'accepter d'eux. Jusqu'à ce qu'ils, soit qu'ils reviennent à l'islam, ou bien on les combat jusqu'à, qu'ils se soient rendus. Donc, c'est l'exemple de la position d'Ahl Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là, et eux, ils ont voulu dire non, ils ont pris une position un peu politique, diplomatique, comme ils font d'habitude, les Ikhwan. Toujours essayer de dire non, il faut supporter nos frères, soi-disant. Et Qardawi, il est allé plus loin même, il a essayé de comparer ça avec l'histoire qui s'était passée à l'époque du professeur Salam dans Surat al-Rum, quand les Perses se battaient contre les Romains. Et Al-Qardawi, il a comparé les Romains aux Rafida et les Juifs aux Perses. Alors que c'est le contraire, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, hein? Parce que ceux qui sont plus proches des Romains, c'est Ahlul Kitab, c'est les Juifs, tandis que les Rafida, qui sont des Kuffar Murtadoun, ils sont plus proches des Perses, ils sont plus proches du Shirk, hein, que ceux-là, dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Et donc, ça c'est des exemples pourquoi ils ressortent cette fatwa. Et aussi parce que on sait que c'est trop tôt. Et Hassan al-Banna, c'est des gens qui étaient sur l'aqida des Asha'ira. Et donc, pour essayer de les défendre en même temps, en disant non, c'est pas des gens de Bid'a, puis ils font partie de Ahl Sunnah, puis on peut coopérer avec eux, même s'ils ont des erreurs, etc., etc. Pour un peu coopérer avec les gens de Bid'a parmi les Ikhwan et les autres. Donc, le cheikh, il dévoile quelques feuilles pour montrer la position de Ahl Sunnah wal Jama'a vis-à-vis de de cette secte, comme la secte des Asha'ira et des Maturidiya, et il l'a appelé Ta'kid al-Musallamat al-Salafiyya. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il mentionne les points les plus importants de ce livre. Ce livre est basé sur 8 chapitres. Et ces 8 chapitres sont tels que sont les suivants. Le premier, Al-Ulama alladhina qarraru bi-anna al-Asha'ira mubtadi'a. C'est-à-dire, le premier chapitre, qu'est-ce qu'il fait? Il montre les paroles des ulama, ou qui sont les ulama qui ont confirmé que les Asha'ira sont des gens de Bid'a et qu'ils font partie des sectes, des sectes perdues, des garés. Donc, il mentionne les ulama avec des citations et des preuves. Deuxième chapitre, Mukhtasar. في معتقد الأشاعرة وسبب إخراجهم من الفرقة الناجية. Deuxièmement, un résumé de la croyance des Asha'ira et la cause pourquoi on les a fait sortir du groupe sauvé. Troisième chapitre, من قواعد أهل السنة عداء أهل البدع. Troisième chapitre, les principes de أهل السنة, les fondements principaux de أهل السنة, et parmi ces principes-là, il y a le fait de s'opposer et de détester les gens de Bid'a. Quatrièmement, بعض الخلل في الفتوى الجماعية. Certaines erreurs dans la fatwa de ce groupe, de ces trois personnes. الخامس, تناقض الشيخ الغنيمان هداه الله في حال الأشاعرة. Le cinquième chapitre, la contradiction du Cheikh Al-Ghunayman, que Allah le guide, au sujet de la position ou de l'état des Asha'ira. Parce que dans le passé, il disait qu'ils n'étaient pas parmi les gens d'Ahlus Sunnah, et là maintenant il signe cette fatwa, donc c'est une contradiction. Et السادس الرد على من أنكر تفرق المسلمين فرقا بدعية ورد الأحاديث رواية أو دراية. Sixième point, c'est la réponse ou la réfutation de ceux qui essaient de nier la division des musulmans en sectes de groupes de bid'ah, hein, comme le hadith qui dit que la Ummah va se diviser en 73 sectes et qu'il y en a 72 qui vont être en enfer et une seule qui va être au paradis. Il y en a des gens de bid'ah qui essaient de nier ce hadith ou qui essaient de dire qu'il n'est pas sahih. Et donc on va voir la réfutation de ça. Donc on va étudier ça dans le chapitre 6 et le chapitre 7, مصدر التلقي عند الأشاعرة, c'est-à-dire c'est quoi les fondements, sur quoi ils se basent les أشاعرة pour établir ou pour prendre leur science. Ok. Et الثامن الفرق بين الأشاعرة المتأخرين وأبي الحسن الأشعري. Le huitième chapitre, c'est quelles sont les différences entre, quelle est la différence entre les Asha'ira qui sont venus par la suite et Abu al-Hassan al-Ash'ari, pour voir c'est quoi les différences entre les deux. Donc, et le Cheikh dit wa qabla ash-shu'ur fi dhikri fusul al-kitab ashkuru ulama'na al-ulama' as-sunnah, ulama' as-sunnah alladhina dafa'atuhum ghayratuhum 'ala as-sunnah wa manhaj as-salaf 'ala an ayyadu hadha ar-radd imma bi taqdim aw fatwa أو بفتوى أو بمراجعة وتصحيح. وقد من الله أن تفضل عالمان جليلان أو العالمان الجليلان, شيخنا العلامة المحدث أحمد النجمي وشيخنا العلامة عبيد الجابري حفظهم الله, أن كتبا مقدمة على هذا الرد أثبتهما في أول الكتاب, وتفضل شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله بمراجعة الرد كاملا مرتين وإبداء التوجيهات والنصائح وبناء على طلبه أضفت الفصل السابع والثامن وراجعهما جزاه الله خيرا, علما أن هذين الفصلين لم يطلع عليهما من المشايخ المقدمين والمراجعين إلا هو لأني أضفتهما مؤخرا. وأيضا ممن اطلع على الرد تصفحا وأيده شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله بقراءة أخينا الشيخ الفاضل عبد الملك رمضاني الجزائري وفقه الله, وكتبت إليه سؤالا عن الأشاعرة فأجاب بما هو مثبت في أول الكتاب, وأسأل الله أن يجزي علماء السنة عنا وعن السنة خيرا. وبعد هذا إليك الكلام على هذه الفصول. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que avant de commencer, il voudrait remercier les ulama de Ahlus Sunnah qui ont été poussés par leur jalousie et leur honneur pour la Sunna et le manhaj des salaf, et qui ont été poussés par ça pour supporter cette réfutation. Ils l'ont supporté soit par une fatwa, ou bien par une introduction qu'ils ont écrite, ou bien ils l'ont supporté en faisant une révision et des corrections à cette réfutation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que, alhamdulillah, par sa grâce et par sa faveur, il y ait deux grands ulama qui aient écrit une introduction à ce livre. Parmi eux, le Cheikh al-Muhaddith Ahmed al-Najmi et le Cheikh al-Allama Ubayd al-Jabiri, que Allah les préserve tous les deux. Et ils ont tous les deux écrit une introduction à cette réfutation. Et on les a mis au début de ce livre et on les a expliqués nous-mêmes. Et aussi le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, il a révisé le livre au complet deux fois. Et il a donné quelques directions et orientations et conseils. Et à sa demande, j'ai rajouté deux chapitres, ou deux points à ce livre. Le septième et le huitième chapitre ont été rajoutés après ses conseils, parce que c'est le chef qui a conseillé de rajouter la réfutation, les masdar talaqi عند al-ash'ara, d'où c'est quoi les références des ash'ara pour établir la aqida, et le huitième c'est la différence entre les ash'ara qui sont venus après et Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc ces deux-là ont été rajoutés après les conseils de Cheikh Salih al-Fawzan, et par la suite Cheikh al-Fawzan il a revisé le livre au complet encore. Donc ça c'est le seul parmi les shuyukh qui ont revisé le livre avec l'ajout qui a été fait, Cheikh Salih al-Fawzan. Après il dit également parmi ceux qui ont feuilleté le livre et qui l'ont supporté, il y a le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad et Hafizahullah, et c'est le Cheikh Abdul Malik Ramadani al-Jazairi qui lui a lu, et donc il lui a écrit quelques questions au sujet des Asha'ira, et le Cheikh il a répondu avec la réponse qu'on a lue au début du livre. Donc on demande à Allah qu'il récompense nos ulama, les ulama de la sunna, pour nous et pour la sunna de la meilleure façon. Et donc par la suite on voit les différents chapitres du livre, et c'est ce qu'on va commencer la prochaine, le prochain cours, le premier chapitre inshallah, les ulama qui ont établi que les Asha'ira sont des mubtadi'a et qu'ils font partie des groupes qui vont périr. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.